dauphins qui s'aiment. Malgré la dureté du monde, ta beauté, beauté d'un monde, ta beauté, ta beauté face au monde, la beauté. La beauté du monde. Observons quand même. Yeah. travers l'éducation, j'ai voulu me porter au niveau, au plus haut niveau que j'aurais pu monter dans le plus haut niveau de la société à partir de la première marche sur laquelle j'ai pu monter pour aller vers la société avec l'école, avec le système. À l'intérieur, yes, it's cool. Find a place you need to. It's cool. Find a place, my son. Find a place, my baby, my baby. Find a place, my school. Connecte du présent pour supporter le présent. L'école. Oh, again. To whistle my. Another dawn, another day. Evolution, just an evolution. Thank you.

tune this snare a second. We'll be right back. darn it. I don't know where to do with it. I don't know. One. Mr. Razzle. What up, what up? What up, G? I don't know what to do. Somebody's got their speakers on. Let me find them. Hey, Joe, you got your ears on there, buddy? Can't even get a proper loop going. Tight twit. Gates and headphones.